enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Aux Amérindiens que nous sommes tous, de près ou de loin, de sang ou d'appartenance, à l'ignominie blasphématoire causée par mon ignorance, je tiens à cet instant à m'excuser sincèrement des propos lapidés dans vos oreilles pendant une certaine nuit printanière. Heureusement que les paroles s'envolent et que les écrits restent. C'est ce que j'ai indiqué sur mon Facebook il y a de cela quelques semaines. À bon entendeur, salut. On a fait des mises au point. Écoutez, quand on se traîne dans la boue, faut savoir se relever, se laver et repartir. C'est bien certain que si tu dis rien, tu te tromperas pas. Si tu restes motus et Roger Beaulieu, Comme disait M.C. Solar, là, je la trouve bonne, moi. Bon, oui, il y a des petites affaires de même. Là. M.C. Solar disait... Il en disait des affaires. Ah, puis il en dit encore. Hein, c'est... M'as-tu vu la... Non, c'est... Ah oui! Imitation égale limitation. Pourquoi je dis ça? Je sais pas. J'avais le goût. Dans le fond... Mon Raymond, tu trouveras la crasse de notre société contemporaine. Vas-y dans le fond, Raymond, vas-y dans le fond, va chauffer dans le fond. Dans le beau crémage, dans le crémage, dans ce qui est le plus ragoûtant, ce qui bouillonne, qui pue. Avez-vous remarqué les fox terriers? Ce que ça fait? Hey, tu laves ces petits pets-là, ces petits chiens qui nous égayent la vie. C'est même pas... J'ose même pas dire des chiens. C'est pas des chiens. C'est des amis. Les chiens, c'est ceux qu'on connaît pas, là. C'est comme les enfants, là. Je me mets dans le roue à la balle. Non, c'est... Il y a quelqu'un qui disait... On endure juste nos enfants. Les autres, là, bah... La même chose pour nos animaux. Bon, là, vous allez me dire, tu compares, mon champion, on va t'envoyer des courriels, là. Tu compares des enfants avec des animaux. Non, non, non, mais quoi que moi! Et puis, bien d'autres, hein. Nous avons tenté de faire des enfants, moi et puis ma Gaétane. Gaétane était en première, et puis moi, j'étais en deuxième, et c'était comme la Formule 1. Et puis, l'autre dépasse l'autre. On a essayé d'en compter des petits enfants. On n'est pas... On sait pas comment ça se fait. On n'a même pas trouvé de livre pour faire des enfants. C'est-tu 350 dans le four ou 425 sur le poêle? Là, qu'est-ce que ça va faire si ça prend dans le fond, là, hein? Dans le fond, mon Raymond, dans le fond! Voyons! Comment on fait? Pis si on le manque, on peut-tu mettre ça dans la poubelle? Voyons donc, là! Il n'y a pas de... Puis là, on me disait la cigogne. On l'attend, puis on sait même pas comment l'appeler, là, sur les internets. Siffler, comment ça siffle une cigogne? Avez-vous entendu le son de la... À part les... Ça, c'est les ailes, là, au vent, là. Ah, je fais bien ça, hein? Fermez les yeux, ce soir, là. C'est le temps. Profitez-en. On se laisse aller. On fait comme Michel Fugain. Fait comme un oiseau. Ça peut l'aider de l'eau fraîche, l'oiseau. Mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. On y va. J'ai cassé deux, trois assiettes dans le poncho de Raymond. Mais c'était dans le fond pour lui la première chanson. Digidou. J'aime mieux celui-là. Il y en a plus. Quoique, ça donne un son différent. Hein? Ça, on a du budget. C'est un musicien qui me l'a donné. Lors de Radio-Ton de Sécurel, il y a 5-6 ans. Je dirais pas son nom, parce qu'il m'en a juste donné un. Mais l'autre, je l'ai perdu, c'est vrai. Je l'ai perdu. En fait, je sortais de Sécurité après une émission totalement déjantée et j'ai échappé ma prothèse dentaire. Menteur. Voyons, raconte la vérité. Mais je ne dis que la vérité, monsieur le juge. Voyons donc, parce que pourquoi je contrarierai-moi pas. Ne pas me contrarier, s'il vous plaît. C'est pas bon pour mes nerfs, puis ma pression. Je fais de la pression, moi. Ah, mon... J'ai l'impression de faire de la pression. Tout est dans la tête, hein. C'est comme... J'ai l'impression que le cœur me serre, hein, que le poumon me soulève le cœur, puis que le cœur s'ouvre en deux, puis... Ah, mon... Les tragédies grecques, là. Faudrait que j'arrête le théâtre. Shakespeare, sors de ce corps et va-t'en voir Tex le corps. Quand il me restera quelque chose dans le frigidaire, oh, attention, je prendrai le funérail, hein? Je prendrai le métro, je ferai la... Faut pas dire rien, faut dire pardon. Hein? On n'est pas des ch'tis. Je pendrai ma gueule, puis je laisserai faire. Pends ta bouche et coula. Comme ça, tu dirais pas, comme tu disais tantôt, tu fais pas ta clémence, là. Tu diras pas d'ignominie. Ignominie sous le soleil de l'ignono. Il y a des beaux loulous, il y a des gros torlots, il y a des vrais beaux os dans l'asilo. Ignominie. Ok, on arrête ça là. Mais il s'en dit des affaires, puis souvent, très souvent, Lorsqu'on se relit, hein, je sais pas si vous rédigez votre journal de bord, comme Guy de bord, écrivait son journal de bord. Et c'est lui qui disait, ben, les copains de bord, avec ou sans Jean-Guy. Jean-Guy! Jean-Guy, je t'envie, moi, là. Je t'envie, mon Jean-Guy, parce que je t'ai vu il y a 3 semaines avec ta 3e épouse. La deuxième était déjà très charmante. Malheureusement, elle a eu un accident de voiture. La première, elle était extraordinairement jolie, intelligente, mais elle est aussi décédée, malheureusement, d'une crise namilac à Arisiac, Arzac, Arlac, Artac, Armac, Arta, Arma. Comment? Pardon? Pardon? Une crise, hein? Oh! Une crise d'étlexie, d'éplexie, de popcorn. En fait, elle s'est éclatée avec un autre homme et le cœur a flanché. Bon. Il l'a pas pris. Je sais pas pourquoi les hommes prennent pas ça quand leur femme les trompe. C'est normal, voyons donc. On peut pas appartenir à une seule personne. On est combien de millions? Faut s'embrasser. Faut s'essayer. Faut voir. Tu sais, on se dit... Hey, toi, tu goûtes les oignons, là. Ah, j'aime pas ça. Oh! Mmh. Oh mon, c'est le chocolat, le bon chocolat, j'aime ça le chocolat, moi j'aime ça dans le fond le chocolat, dans le fond le chocolat. Oh, mais c'est plus du chocolat dans le fond, c'est quoi? C'est de la raclette. Ah, hey, j'ai jamais mangé ça, de la raclette. Ginette, invite-moi pour de la raclette. Je serai tranquille et docile. Comme petit, ouais, ton petit wawaron. Elle s'est acheté un wawaron, les signifiants. Parce que il y a trois semaines, encore trois semaines, les trois semaines passent souvent ici. Elle avait un poisson rouge. Mais là, le poisson rouge était toujours en haut, puis elle s'imaginait que parce qu'il montait en haut, il avait faim. Moi, je connaissais les poissons, moi, le garde, j'ai pas d'éducation poissonnelle, hein? Femelle, intentionnelle. Intentionnellement, là, c'est pas parce que ça monte en haut que ça veut manger, là, mais ça veut respirer de l'air. Et là, ça replonge. Mange ça, ça débranche, ça n'a pas besoin de monter. Voyons donc, toi. Dans la vie, il y a des hauts et des hauts. Oh, puis quand ça monte, ça veut prendre, ça veut voir ce qui se passe en haut. Hey, des gros yeux. C'est des flatteurs. Saviez-vous ça? Ils font exprès, quand ils sont calés, là, puis qu'ils ne peuvent plus monter, ils se ferment la bouche, les yeux gonflent, puis ils montent sur le dessus. Ils ne montent pas dans le fond, ils montent sur le dessus. C'est comme... Hey, s'il vous plaît, dans l'autobus, là. Ouais. S'il vous plaît, en arrière. Passez en arrière. Marchez en arrière. En arrière. Dans le fond. Dans le fond. Hey, c'est comme le concept du fond, ça fonctionne ce soir, là. Êtes-vous dedans? Je suis dedans. Non, pas moi. Ah, moi, là, garde, à force d'aller dans le fond, comment tu veux que je remonte? On met même pas. On n'ose pas placer de la corde là-dedans. Pourquoi? Parce que les détritus, on dit ça, hein, dans les publicités, les détritus ont agonisé. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire, ils agonisent, ben voyons donc, agonisent, ça n'existe pas. Comment vous écrivez ça, agonisent? Ago. Ago, go, go! Ah, mais là, c'est le mois de juin. C'est quoi? C'est le football. Les cheerleaders, là, pendant tout l'hiver, se sont pratiqués pour faire la danse des gagnants. Pas la danse des canards, là, la danse des gagnants. Et quand on perd, quand l'équipe de football perd, quand l'équipe perd, excuse-moi, quand le groupe, les joueurs perdent, et le groupe perd, hey, voyons donc, t'es-tu en train de faire de la conjugaison en direct? Non, mais j'essaie. Puis là, écoutez, c'est actuellement, pour moi, de l'allergie constante. Excusez, j'ai fermé le micro parce que j'ai tendance à éternuer à la mitraillette. Et ça, c'est totalement, totalement désagréable pour les gens qui nous écoutent. Comme là, j'aurais peut-être une petite envie encore de le faire, mais je tenterai de tout renfrogner pour ainsi cultiver un cancer. Et si vous passez à l'hôpital et vous apprenez que Reynald est aux soins trop pensifs, parce que moi, je réfléchis tellement. Ah, mon Dieu, je n'irai pas aux soins intensifs, moi, aux soins pensifs. Puis gagné, monsieur gagné. On frappe à la porte. Monsieur gagné, arrêtez de réfléchir, là. Arrêtez, ça donne rien. On trépasse quand même, hein? Que vous soyez le sot le plus insignifiant de la planète ou l'homme le plus intelligent de notre société contemporaine, vous allez crever quand même, là. Bon. Vous avez, ouais, au moins, oui, je sais, au moins, vous avez contribué à alimenter notre société d'une connaissance que vous avez pendant très longtemps travaillée. Et ça, on vous en remercie infiniment, hein, monsieur. Vous êtes, on ne sait pas ce que vous êtes, mais vous l'êtes. Puis juste le fait d'être, ça nous réjouit l'intellect et le cœur aussi. Parce qu'il n'y a pas juste l'intellect dans la vie, là. Hein? On est des gens pensants, nous avons des sentiments, puis on peut aussi mentir un peu. Hein? À quelle heure t'es rentré, toi, mon Raymond? Ah, ben moi, ma petite Georgette d'amour, ben voyons donc, je suis pas Georgette, je suis Ginette. Oh, Ginette, Georgette, c'est pas grave, ça commence par des G. Ben oui, mais tu vas le trouver ton poing sur la gueule. Oh mon Dieu. Elle est violente. Elle s'est adonnée à faire du kickboxing depuis 3 semaines. Encore 3 semaines, hein? On est gravité sur le 3 semaines, puis dans le fond. Dans le fond, 3 semaines, c'est long, hein? Quand t'as fait des uppercuts avec les pieds, là. Surtout qu'elle se lave pas, elle, là. Fait que tu le sens venir avant. Fait que tu te tasses un peu, puis ça passe comme dans le beurre. Puis moi, j'aime ça, du beurre. C'est bien mieux que de la margarine. C'est insignifiant, de la margarine. Ça, c'est dégueulasse. Ça cuit pas dans une poêle. Tu peux pas mettre de steak là-dedans. Ça te salit ton poêle. Puis... Mais du bon beurre, ça coule, ça sent bon aussi. Moi, c'est salé. Comme mes émissions sont très salées. On s'excuse après, là. On dit, hey, Jésus, là, il s'est trompé, hein, à un moment donné. Voyons donc, je vais meilleur. Donc, c'est un des plus grands, un des plus... Oui, je sais qu'il est grand, là. Il se pliait pour entrer dans un sarcophage, hein, pour vérifier. Hey, monsieur! Êtes-vous mort? Il répondait pas, il ressuscitait pour discuter avec. Mais à la fin de la discussion, ben OK, vous pouvez crever maintenant. Et lui, il donnait la vie, la mort. Comme certains juges là, pour la peine de mort. Là. Hey, attention! Greta Bibo vient de tuer ses 18 enfants, un après l'autre. Et nous, pour Québec, là, disons, on est aux États-Unis. Oh non, elle est un peu à bâton rouge. On tue encore du monde à bâton rouge. À bâton rouge, nous vous condamnons à la peine de mort. Ouais, mais excuse-moi. Elle a tué, effectivement. Ça, je peux pas lui enlever. Non, c'est un drame. C'est épouvantable. C'est une cinglée. Mais là, on donne un message étrange, là. Elle a tué et on l'a tué. Moi, quand j'étais petit, on me disait, ne fais pas ce que tu ne veux pas que l'on te fasse. Là, c'est pas ça qu'on comprend, là. Madame, vous avez mis à mort votre progéniture. Nous allons vous placer dans la friture. Mais voyons, ça n'a pas de bon sens. En prison, oui, mais pas tuer. Qui sommes-nous pour tuer? Elle le fait. C'est son problème. Mais nous, voyons donc. Comment il fait, lui, pour dormir? Ah, oh, mais moi, j'en ai amené 8 sur la table, là, avec comment t'appelles ça, donc, des seringues vivantes, là. Quoique, une piquerie, il y a autant de hein? Bon, c'est quoi? C'est létal. Hein, rénal, c'est létal ou létal, c'est rénal. Bon, c'est épouvantable. Parce qu'il y a quelques mois, quelqu'un m'a demandé si j'étais pour la peine de mort. Et ça faisait longtemps que je ne m'étais pas posé la question. Et j'ai lancé comme ça, ben oui. Puis là, en disant oui, je me sentais mal à l'aise. Et là, quand j'ai embarqué sur mon scooter pour revenir du boulot, je me suis dit, hey, je suis pas pour la peine de mort, moi. J'ai vu La Dernière Marche avec Sean Penn. Puis je réalisais déjà avant de voir le film, exceptionnel, regardez-le et re-regardez-le, que j'étais déjà à l'origine contre la peine de mort. Comme je le disais tout à l'heure, qui sommes-nous pour condamner quelqu'un à mourir? Même si cette personne-là a tué quelqu'un. Écoute, moi, je me promène sur la rue, là. Sur le trottoir, pas sur la rue, mais on me fait frapper. Hey! Il y a une voiture qui me splouche, qui m'envoie de l'eau. Est-ce que je vais arriver avec mon fusil à eau? Tiens, voyons donc, ouais. Ça n'a pas de bon sens. Tu lui fais le doigt d'honneur. Dans le fond. Il rentre dans le tunnel, puis il savait pas là, qu'il y avait un barrage. Puis, bang! Hein, il est mort. Non, il est pas mort. Non, il a contourné. Ah ben, il n'y a pas de mort ici, là. Voyons donc. Chômage sauvage dans la jungle du patronat. Les employés se noient rarement sous les dollars. Hein, vous l'attendiez pas, celle-là, hein? Chômage sauvage dans la gueule. Non, pas dans la gueule, dans la jungle. Chômage chaud. Mon genre chaud. Chaché. Combien chaud, merveilleux. Chômage sauvage dans la jungle du patronat. Les employés se noient rarement sous les dollars. OK. J'ai longuement marché sur du sable émouvant qui voulait me coller jusqu'au cou, apporter la guillotine. Apporter la guillotine pour trancher la question, pour faire tomber les stéréotypes de tous les types qui jugent et jaugent la vérité, pour éviter de tout prendre et tout comprendre sans rendre l'âme. Connaissez-vous la chanteuse des insectes? C'est Kate Bush. Ah mon Dieu, Kate Bush. Elle vient de sortir un album indépendant. Elle l'a produit, elle l'a autoproduit. Kate Bush est obligée d'autoproduire ses œuvres actuellement. C'est épouvantable. L'industrie du disque est en train de s'effondrer. Et la terre peut bien s'écrouler, peu importe si Kate Bush. L'aile du goéland sous la roue ou la grande aventure hitchcockienne. Et ça va terminer ma locomotive du début d'émission pour laisser la place à mon invité. Lundi dernier. C'est épouvantable ce que je vais vous raconter. Là, vous allez dire, voyons, t'as parlé de la peine de mort. Hein? T'as parlé de la guillotine. Ben oui, mais là, quelque chose de plus grave encore. Hé, t'es un malade? Oui, je suis un malade. Non, c'est pas plus grave. C'est un autre sujet. Je reviens du boulot le mardi. Je roule, toujours avec mon scooter, et j'emprunte la 3e avenue. Je tourne sur la 4e rue, angle de CKRL, entre la 4 et la 3, et je me dirige vers la 4e avenue. Pendant que je me dirige sur cette avenue, un goéland descend en ma direction, dans ma direction, et atterrit en avant de ma roue. Je ne pouvais pas le contourner puisqu'une voiture arrivait à gauche et moi, je ne pouvais pas aller à droite puisqu'il y avait une voiture stationnée. Donc, j'ai simplement esquivé l'oiseau, mais j'ai accroché l'aile du goéland. Et ça fait comme des chauves-souris. Et je n'ai pas regardé en arrière. Je n'ai même pas vérifié avec mon rétroviseur. J'ai continué. Là, j'ai dit, hey, je suis poursuivi par les oiseaux. Là, je regardais au-dessus s'il n'y avait pas un banc comme les poissons, là, un banc d'oiseaux, un amas d'oiseaux. S'il me court après, il risque de m'envoyer leurs armes secrètes. Pas si secrets que ça, là, des crates, là, mais ici sur le pavé. Ils en font tomber quelques-unes. Je risque de glisser. C'est des pneus. Puis sous ce qui est glissant, normalement, on se casse la gueule. Pas la gueule, mais la gueule. Mais non. Ah non, ça a bien été. Il y avait juste le goéland qui atterrit devant moi. J'ai pris l'aile. On m'a demandé l'aile ou la cuisse. Ah, oh, ben là, la cuisse, je suis pas rendu à ce niveau-là. Là. Et oh, non, c'est juste un goéland. Hein? Oui, je vais prendre l'aile. Je l'ai déjà accroché. La cuisse, je vais laisser ça pour quelqu'un d'autre. La poitrine, ben ça, c'est pour vendredi soir. T'as comprends pas, moi non plus. Non. La reprise de la débauche se débouche sous une douche froide à la moiteur des mateurs. Rien de flatteur, cette histoire, où plus rien ne supporte rien, même plus le point final. Capri, c'est fini! Et dire qu'il y avait notre simple amour, Capri, dans le film « Cet amour-là », avec Jeanne Moreau. Jeanne Moreau qui joue le rôle de mon amie Marguerite Duras. C'est exceptionnel, cette chanson-là, Capri, c'est fini. Monsieur le Président, Monsieur les patrons catholiques, Mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone « Errance rénaldienne ». À quoi va faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? Attention, Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant et voici le pitre qui change les chapitres. Aujourd'hui, le vendredi 19 juin, 2015, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de l'artiste Nathalie Coulé. Ou Coulé. Quoi aller ou pas. Son parcours de vie a la même richesse que son ciel de naissance épicé, fait de Guadeloupe, de Corse, d'Inde et d'autres ingrédients hexagonaux. Hexagonaux, ben oui, l'hexagone! Renaud! Ça serait bien d'écouter ça, l'hexagone. Peut-être, c'est une bonne idée. Je vais essayer de trouver ça tantôt, pour la semaine prochaine. Comédienne, journaliste, animatrice, mannequin, auteur. Oups, je viens de descendre d'une... Parce que je me rends compte que sa cassette, on ne voit pas bien. Mais c'est pas important, je suis pas très beau. Alors, Nathalie Coulé, elles ont... Nathalie Coulé et elles ont joué la scène des baguettes magiques de la Belle au bois dormant. Elles ont aussi sérieusement... Attends, comment ça je dis au pluriel, donc? Comédienne, journaliste, animatrice, mannequin, auteur, les filles de la création se sont... OK. Se sont... penchées sur le berceau de Nathalie Coulé. Et elles ont joué la scène des baguettes magiques et de la Belle au bois dormant. Elles ont aussi sérieusement saupoudré le berceau d'insolence et de provocation pour, bien sûr, donner un personnage en perpétuel mouvement qui aura exploré les domaines de la mode et de l'animation télévisuelle. Sur France 2, sur France 5, M6, M6 Musique et encore Cuisine TV, avant de se trouver une scène à la hauteur de ses émotions. Son premier one-woman show, seul, parrainé par l'acteur Jean-Claude Dreyfus de Délicatessen, Nathalie Coulé, une saveur dont la scène française ne devrait bientôt plus pouvoir se passer. En juillet 2014, Errance rénaldienne se trouvait là à Paris pour rencontrer cette délicieuse actrice. Au large, le bar se gondole dans le roulé. C'est en cuir au bain marie. À coup je te lave, à coup tu m'essuies. Et si on se botte, on se débête. Et les mouettes se délectent de nos anecdotes. Au

d'être aussi reporter ou host, TV host. Et donc, je me suis formée comme ça. J'ai fait une formation de journalisme, un certificat de journalisme à la NYU pour les adult school. À New York, oui. À New York. À l'école des adultes, comment tu dis, non? Ouais. L'école des adultes. Non, c'est non. NYU. OK. Continuing Education. Oui, oui, c'est ça. C'est ça? Oui, c'est ça. Et donc, j'ai fait ça, très contente, en anglais et tout. J'ai eu, mais l'anglais, tu l'as appris où? À la Guadeloupe? Je l'ai appris en voyageant, sur le en top. Étant mannequin. Comment on dit sur le top? Ah bah ouais. Ah oui, mais mannequin, bah oui, ouais. Là, tu croises des voyages. Mais oui. C'est un univers. Ouais. Ouais. Et puis après, et puis j'ai toujours été attirée par l'ailleurs. L'ailleurs m'attire. Mais, moi aussi. Oui. Oui, vas-y. Mais pourquoi, lorsque tu étais mannequin, tu n'as pas resté dans ce milieu-là? Parce que même quand on a plus 20 ans, on peut faire autre chose. Là. Il y a quand même... Ouais, mais je te dis, il me manquait la parole. Okay. Là-bas, c'est soit belle et tais-toi quand même. Ah oui, c'est plus aussi, ouais, c'est mannequin. De mon époque, c'était pas comme maintenant. Il n'y avait pas de plateau télé où les filles, elles allaient, elles disaient ça n'existait pas. Hein. Donc, on te filait, toi, tu fais du karaté. T'as quand même, t'as beaucoup de nanas qui sont là-dedans à l'époque. Aujourd'hui, je ne sais pas. Mais je pourrais donner des noms d'ailleurs. Mais. On s'en sort pas. Enfin, il va y avoir quelque chose. Non, tu vois, t'as des nanas qui sont quand même très jalouses, qui sont rédactrices, qui quelque part sont jalouses parce que t'as une bonne relation avec le photographe, donc il te fait une vie d'enfer. Tu vas défiler, on te demande ta pointure, tu te demandes pourquoi. Je fais 41,5, presque un 42, on te file du 38, on te dit de la fermer. Ah, ouais. Dans le cœur des filles, de restaurateurs. Les grands voyageurs laissent des ardoises de toutes les couleurs, laissent les tuiles ou tuileries, cherchent des amuse-gueules au buffet de la gare, trouvent des femmes seules. Homme affamé à quatre pattes. À quatre pattes. Les grands voyageurs se posent sur le ventre d'une âme sœur, ne respectent pas les consignes, ne font pas de cadeaux, sinon des solitaires à des égéries en souffrance. Les grands voyageurs nous donnent la migraine avec des récits captivants à quatre pattes. À quatre pattes. De la cabine où je t'appelle, on distingue le long cortège de ballons nouveaux. S'embarquer à nouveau, et le vermisseau qui t'appelle, oui seul. À quatre pattes. À quatre pattes. Les grands voyageurs laissent les ardoises dans le cœur des filles. Qu'importe, l'amour importe, l'amour s'exporte. Les petites, les moyennes entreprises font parfois des crises. Qu'importe, quoi. quoi qu'on en dise, quoi que l'on fasse, c'est des couacs, des crépuscules en toc, des bruits d'hélice, des musiques d'ascenseur, pour femmes seules, pour hommes affamés. Grand voyageur, laisse des ardoises dans le cœur. Je suis pas

C'est comme des... Je sais pas, c'est comme de belles brises, c'est sexy, c'est beau. Ouais. Si tu étais une époque. Ah, je pense que. Peut-être les années 70. Hein. 70, Joplin, 70, Hendrix, ouais, Woodstock. Jim Morrison. Ouais. Le rencontrer peut-être. Peut-être, ouais. Oui, tu vois, un trip un peu cool, plutôt Santa Fe, plutôt peace and love, voilà quoi. Est-ce qu'aujourd'hui tu as cette idéologie-là du peace and love, est-ce que tu vis peace and love ou si t'es au contraire une fille opposée à ça? Non, je suis pas opposée. Je suis très stressée, très nerveuse, très tout ça. Alors je me soigne. Okay, t'aimerais être cool. Et je tends vers la paix et l'amour. Ah oui, ça c'est pour moi c'est la réponse. Et... Qui dove il mare luccica e tira forte il vento. Sulla vecchia terrazza, davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza, dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto te. In mezzo al mare, pensò alle notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. E voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. Ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e veri, ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. E voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. È una catena ormai,